À l'occasion du premier anniversaire de la promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un au poste de président du Parti du Travail de Corée, l'Association des journalistes asiatiques du Koweït lui a offert le certificat d'exploit. La cérémonie de remise du certificat a eu lieu sur place. Y ont pris part le président et les membres de l'association, l'ambassadeur coréen au Koweït et ses collaborateurs. Le président de l'association l'a transmis à l'ambassadeur coréen. On y a écrit qu'à l'occasion du premier anniversaire de la promotion de son excellence le respecté Kim Jong-un, dirigeant suprême du peuple coréen, au poste de président du Parti du Travail de Corée, l'Association des journalistes asiatiques du Koweït lui offre le certificat d'exploit. À la cérémonie, les participants ont adopté un message de félicitations à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.